Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان من بين الشهور بفضائل عظيمة وميزه بمميزات كثيرة قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ففي هذه الآية الكريمة ذكر الله لشهر رمضان مزيتين عظيمتين المزية الأولى إنزال القرآن فيه لأن هداية الناس من الظلمات إلى النور وتبصيرهم بالحق من الباطل بهذا الكتاب العظيم المتضمن لما فيه صلاح البشرية وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة والمزية الثانية إيجاب صيامه على الأمة المحمدية حيث أمر الله بذلك في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصيام رمضان هو أحد أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة وبإجماع المسلمين فمن أنكره فقد كفر ومن كان حاضرا صحيحا وجب عليه صوم الشهر أداء كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مسافرا أو مريضا وجب عليه الصوم قضاء من شهر آخر كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فتبين أنه لا مناص من صيام الشهر إما أداء وإما قضاء إلا في حق الكبير الهرم والمريض المزمن الذين لا يستطيعان الصيام قضاء ولا أداء فلهما الإطعام عن كل يوم مسكين سبحان الله كني الله Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois un mois particulier parmi les autres mois. Et il a mis en ce mois de grands mérites et de grandes grâces et de grandes particularités. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah a fait descendre le Coran. Il y a en celui-ci une guidance pour les hommes et des preuves de la guidance et du discernement. » Alors quiconque d'entre vous est présent pendant ce mois, alors qu'il jeûne, et celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il reprenne en d'autres jours. Et donc dans ce verset, il y a la mention de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce mois du Ramadan, et il mentionne dans ce verset deux particularités, deux grandes particularités. La première particularité de ce mois, c'est que le Coran est révélé dans celui-ci. Le Coran a été révélé durant ce mois, dans le but de guider les hommes et de les faire sortir des ténèbres vers la lumière, et dans le but de les faire voir la vérité et de les faire distinguer entre le vrai et le faux par ce livre qui comprend tout ce qu'il y a de bien pour l'humanité et qui détient ou qui contient en lui-même le succès et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La deuxième particularité de ce qui est mentionné à propos de ce mois dans ce verset, c'est le fait qu'il est obligatoire pour la Ummah qui a cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, qu'il est obligatoire pour cette Ummah de jeûner dans ce mois. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors quiconque d'entre vous est présent pendant ce mois, alors qu'il le jeûne. Et donc, le jeûne du mois du Ramadan est un parmi les cinq piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a établies sur les musulmans. Et il est connu par nécessité, yani dans cette religion, et que c'est même un consensus chez les musulmans que quiconque renie l'obligation du jeûne du Ramadan, alors celui-là, il a renié la foi. Et celui qui est en bonne santé et qui n'est pas en voyage, eh bien c'est obligatoire pour lui de faire ce jeûne durant le mois. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, alors quiconque d'entre vous est présent durant ce mois alors qu'il le jeûne. Et il mentionne également que celui qui est en voyage ou celui qui est malade, eh bien il est obligatoire pour lui de refaire les jours qu'il a manqués du jeûne du Ramadan par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et quiconque d'entre vous est malade ou qui est en train de voyager alors qu'il reprenne les jours qu'il a manqués par des jours par la suite, c'est-à-dire après le Ramadan. Et donc on peut comprendre par cela que on n'a pas le choix de jeûner dans ce mois de Ramadan et de le faire au complet, soit qu'on le fait durant le mois ou soit qu'on reprend les jours si on fait partie des gens qui ont une excuse. Par contre, celui qui est tellement âgé que le jeûne lui fait du tort et qu'il est trop vieux pour jeûner, ou qui a une maladie qui est une maladie incurable, c'est-à-dire qu'il va pas guérir, eh bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la personne qui est dans cette situation-là, eh bien, étant donné qu'elle ne peut pas jeûner, ni durant le mois du Ramadan, ni dans des jours après, eh bien, elle peut compenser ce jeûne en nourrissant pour chaque jour qui a été manqué un pauvre. Hein, pour chaque jour qui a été manqué, la personne peut nourrir un pauvre. وَمِنْ فَضَائِلِ هَذَا الشَّهْرِ وَمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْأَحَدِيثِ الصَّحِيحَةِ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Comme il a été également mentionné parmi les mérites de ce mois du Ramadan, le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné dans les hadiths authentiques, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient Ramadan, c'est-à-dire le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. فدل هذا الحديث على مزايا عظيمة لهذا الشهر المبارك. الأولى أنه تفتح أبواب الجنة وذلك لكثرة الأعمال الصالحة التي تشرع فيه والتي تسبب دخول الجنة كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والثانية إغلاق أبواب النار في هذا الشهر وذلك لقلة المعاصي التي تسبب دخولها كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والمزية الثالثة لهذا الشهر المبارك أنه تصفد فيه الشياطين أي تغل وتوثق فلا تستطيع إغواء المسلمين وإغرائهم بالمعاصي وصرفهم عن العمل الصالح كما كانت تفعل في غير هذا الشهر هذا الشهر ومنعها في هذا الشهر المبارك من مزاولة هذا العمل الخبيث وإنما هو رحمة بالمسلمين لتتاح لهم الفرصة لفعل الخيرات وتكفير السيئات. Et donc dans ce mois, il y a également d'autres mérites, comme on a mentionné dans ce hadith. Et le premier mérite, c'est que les portes du paradis sont ouvertes à cause de la grande quantité de bonnes actions qui sont faites durant ce mois et qui sont la cause de l'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Entrez au paradis pour ce que vous avez fait ». Dans également ce mois, on retrouve le fait que les portes de l'enfer sont fermées. C'est à cause du peu de péchés qui sont faits durant ce mois et à cause du fait que, bien entendu, ces péchés-là sont une des causes de l'entrée dans l'enfer. Et donc, étant donné que le nombre des péchés diminue, eh bien, les portes de l'enfer sont fermées durant ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, et quiconque transgresse et préfère la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera la destination. Et la troisième caractéristique, qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith, c'est que dans ce mois béni, les diables sont enchaînés. Et donc ils ne peuvent pas faire dévier et tromper les musulmans en les faisant faire des péchés ou en les détournant des bonnes œuvres de la même manière qu'ils le font dans le reste de l'année. Et donc ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni pour que les croyants puissent faire les bonnes œuvres et s'écarter des choses qui sont mauvaises et pour leur faire en sorte qu'ils puissent faire des actes de bien et faire en sorte que leurs péchés soient pardonnés et effacés. ومن فضائل هذا الشهر المبارك أنه تضاعف فيه الحسنات فالنافلة تعدل فيه أجر الفريضة والفريضة تعدل فيه أجر 70 فريضة ومن فطر فيه صائما ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته أو رقبته من النار وكان له أجر مثل أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء وكل هذه خيرات وبركات ونفحات تحل على المسلمين بحلول هذا الشهر المبارك فينبغي للمسلم أن يستقبل هذا الشهر بالفرح والغبطة والسرور ويحمد الله على بلوغه ويسأله الإعانة على صيامه وقيامه وتقديم الأعمال الصالحة فيه إنه شهر عظيم وموسم كريم ووافد مبارك على الأمة الإسلامية. Et donc parmi les mérites de ce noble mois, ce mois béni, c'est que les bonnes œuvres qu'on accomplit durant celui-ci sont multipliées. Les récompenses des actes qu'on fait durant ce mois sont multipliées. Et donc les actes surérogatoires qu'on fait ont la valeur des actes obligatoires. Et les actes obligatoires qu'on fait durant ce mois, eh bien, ils sont multipliés et on reçoit pour ces actes-là la récompense de 70 obligations. Et donc celui également qui nourrit une personne qui jeûne, hein, qui lui fait briser son jeûne, eh bien, il sera pardonné pour ses péchés et c'est comme s'il aura sauvé son coup de l'enfer. Et donc, il aura la récompense de tout ce que ce jeûneur a fait sans que cela ne diminue quoi que ce soit de ses bonnes œuvres et de sa récompense à lui. Et donc, tous ces biens, toutes ces bénédictions viennent et sont offertes aux musulmans durant ce mois béni. Et donc, il faut que le musulman accueille ce mois avec la joie, avec le bonheur et la joie et la gaieté. Et il doit remercier Allah et louanger Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir permis d'avoir atteint ce mois. Et il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à continuer à le jeûner et à prier durant ses nuits et à faire les bonnes œuvres, les œuvres de piété et de vertu. C'est un mois, hein, c'est un grand mois, un mois béni, un mois qui est noble. Et donc, pour la Ummah al-Islamiyya, c'est un grand bienfait. Nasallallahu an yamnahana min barakatihi wa nafahatihi, innahu sami'un mujibun, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اعلموا أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها وجعل زوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب أمارة دخول وقت الظهر وغروب الشمس على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس وهو علم النجوم وعلم الحساب الفلكي وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة يجعل أو بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان والإفطار منه برؤية هلال شوال عباد الله سيفتاد الله سشكل الشريعة الله إتن شريعة de la miséricorde et de la merci et de la tolérance pour les musulmans. Et elle est générale. Et ces règles comprennent des règles pour tous les mondes, le monde des djinns et des hommes. Peu importe leurs différents degrés ou leurs différents niveaux d'éducation ou du fait qu'ils soient des gens de la ville ou des gens de la campagne ou du désert, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour eux les moyens de connaître les temps de chaque adoration. Et donc il a fait, par exemple, pour le temps de l'entrée des prières, des signes par lesquels ils peuvent tous ensemble savoir quand est-ce que les adorations débutent et quand est-ce qu'elles terminent. Et donc, par exemple, lorsque le soleil atteint son zénith et qu'il commence à pencher vers l'ouest, on sait que le temps de la prière de Dhuhr est commencé. Et on sait que lorsque le soleil se couche et dépasse l'horizon, eh bien, que c'est le temps de Maghreb qui rentre et que le temps de la prière de Asr est terminé. Et on sait que lorsque la rougeur du ciel commence à disparaître, que c'est l'heure de Isha qui est entrée. Et donc ce sont des signes faciles pour déterminer les temps de chaque adoration. De la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du croissant le signe par lequel on peut savoir que le nouveau mois lunaire débute. Et on sait également que le mois précédent vient de terminer en le voyant et lorsqu'il apparaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis la charge pour connaître le début du mois lunaire ou de connaître la fin du mois lunaire d'utiliser un moyen que seuls quelques-uns, une minorité d'entre les êtres humains ont la capacité d'utiliser ou de connaître, c'est-à-dire la connaissance des astres ou la connaissance du calcul astrologique ou astronomique plutôt. Parce que ces sciences-là, c'est seulement une petite minorité des êtres humains qui sont capables de les connaître. Et le Coran et la Sunna sont venus pour mentionner et établir que la vue, la vision du Hilal, du croissant, et le fait de le voir avec les yeux, c'est ça le signe par lequel les musulmans doivent commencer le jeûne du Ramadan ou ils doivent briser le jeûne du Ramadan à la fin du mois lorsqu'ils voient le croissant de Shawwal. وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب. وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير والرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها ولا مستند لها من الشريعة. والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشؤون الدينية، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين. حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Et donc, l'État, pour connaître l'entrée des mois et la fin des mois, ou savoir quand est-ce que Eid al-Adha commence, ou le jour de Arafat, tout ça s'est établi par le signe que Allah subhanahu wa ta'ala a installé et a établi, c'est-à-dire le début et le commencement de chaque nouvelle lune. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit, qui est témoin du mois alors qu'il jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il te demande à propos des croissants de lune. Dit, ce sont des points qui déterminent l'entrée des temps pour les adorations et pour le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez encore, alors cessez de jeûner. Et si vous ne pouvez pas le voir, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir le croissant à cause des nuages, eh bien dans ce cas-là, complétez le mois 30 jours. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi que pour que le mois du Ramadan commence, il faut qu'on ait vu le hilal avec les yeux. Et le iftar, la fin du Ramadan, c'est la même chose. Il faut que le hilal de Shawwal ait été vu avec les yeux. Et il ne nous a pas rattaché au calcul, ou à l'utilisation des calculs astronomiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la vue à son époque, de même que les khulafa rachidines après lui, de même que les imams, les quatre imams après, et les trois meilleures générations, ils ont tous eu recours à la vue pour déterminer l'entrée et la sortie des mois lunaires. Et donc celui qui utilise le calcul pour déterminer l'entrée ou la sortie des différents mois lunaires ou pour établir le début ou la fin des adorations, eh bien il a établi dans la religion une innovation dans laquelle il n'y a aucun bien. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans certains pays et dans certains lieux où ils imposent aux musulmans de débuter leur jeûne ou de terminer le jeûne en ayant recours au calcul et en ayant recours au calendrier sans se fier à la vue du hilal. Et comme les ulamas de l'islam l'ont clarifié dans le passé comme à l'époque actuelle, que yani, c'est pas par ce genre de calcul qu'on établit le début ou la fin des adorations. Et en terminant cette khutbah, j'en profite en même temps pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe en même temps par rapport à la mosquée, du fait que, alhamdoulilah, on est en train de travailler pour faire l'agrandissement de cette mosquée, puisque yani, c'était un peu petit. Donc la future mosquée, inshallah, va débuter de après la porte qui est là, et le mur va aller jusque après cette fenêtre, à gauche de cette fenêtre, et donc tout cet espace sera inshallah la future mosquée Zun Nourain bi'ithnillah. Donc on vous demande un petit peu de patience, du fait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que, comme vous voyez, il y a les travaux. Mais aussitôt que ce sera inshallah terminé, on pourra inshallah